En Corée, sous les auspices du Comité central de la Fédération générale des scientifiques et techniciens de Corée, l'exposé technoscientifique du secteur halieutique national a eu lieu le 16 et 17 mai au Palais des sciences et techniques à Pyongyang. Y ont participé plus de 150 scientifiques, techniciens, enseignants et chercheurs relevant d'une dizaine d'unités comme l'Université Kim Il-sung, l'École normale supérieure Kim Hyong-ji, l'École supérieure halieutique de Wonsan, l'École supérieure halieutique de Nampo, l'Institut halieutique du ministère de l'Industrie de pêche et la Direction halieutique de la province du Gangwon. Lors de l'exposé tenu en section de la pêche et de la pisciculture, on a publié plus de 140 dissertations. Il y a eu également un cours sous le titre « Des bioaliments pour pisciculture ». La clôture s'est déroulée le 17 mai.